La Bible David Martin 1855. Épître de saint Paul aux Philippiens. Philippiens chapitre 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, avec les évêques et les diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je fais mention de vous, en priant toujours pour vous tous avec joie dans toutes mes prières, à cause de votre attachement à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, étant assuré de cela même, que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, l'achèvera jusqu'à la journée de Jésus-Christ. Comme il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je retiens dans mon cœur que vous avez tous été participants de la grâce avec moi dans mes liens, et dans la défense et la confirmation de l'Évangile. Car Dieu m'est témoin que je vous aime tous tendrement, conformément à la charité de Jésus-Christ. Et je lui demande cette grâce, que votre charité abonde encore de plus en plus, avec connaissance et toute intelligence, afin que vous discerniez les choses contraires, pour être purs et sans achoppement jusqu'à la journée de Christ, étant remplis de fruits de justice, qui sont par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Or, mes frères, je veux bien que vous sachiez que les choses qui me sont arrivées pour un plus grand avancement de l'Évangile, de sorte que mes liens en Christ, ont été rendus célèbres dans tout le prétoire, et partout ailleurs, et que plusieurs de nos frères en notre Seigneur, étant rassurés par mes liens, osent annoncer la parole plus hardiment, et sans crainte. Il est vrai que quelques-uns prêchent Christ par envie, et par un esprit de dispute, et que les autres le font, au contraire, par une bonne volonté. Les uns, dis-je, annoncent Christ par un esprit de dispute, et non pas purement, croyant ajouter de l'affliction à mes liens. Mais les autres le font par charité, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Quoi donc? Toutefois, en quelque manière que ce soit, par ostentation, ou par amour de la vérité, Christ est annoncé, et c'est de quoi je me réjouis, et je me réjouirai. Or je sais que ceci me tournera à salut par votre prière, et par le secours de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, que je ne serai confus en rien, mais qu'en toute assurance, Christ sera maintenant, comme il a toujours été, glorifié en mon corps, soit par la vie, soit par la mort. Car Christ m'est gain à vivre et à mourir. Mais s'il m'est utile de vivre en la chair, et ce que je dois choisir, je n'en sais rien. Car je suis pressé des deux côtés, mon désir tendant bien à déloger, et à être avec Christ, ce qui m'est beaucoup meilleur. Mais il est plus nécessaire pour vous que je demeure en la chair. Et je sais cela comme tout assuré que je demeurerai, et que je continuerai d'être avec vous tous pour votre avancement, et pour la joie de votre foi. Afin que vous ayez en moi un sujet de vous glorifier de plus en plus en Jésus-Christ, par mon retour au milieu de vous. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que, soit que je vienne, et que je vous voie, soit que je sois absent, j'entende, quant à votre état, que vous persistez en un même esprit, combattant ensemble d'un même courage par la foi de l'Évangile, et n'étant en rien épouvanté par les adversaires. Ce qui leur est une démonstration de perdition, mais à vous, de salut, et cela de la part de Dieu. Parce qu'il vous a été gratuitement donné dans ce qui a rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui, ayant à soutenir le même combat que vous avez vu en moi, et que vous apprenez à être maintenant en moi.